l'heure d'une petite parenthèse info, parenthèse actualité ou actualité du secteur bien entendu, vu que ce soir je suis en phoneur avec Maïté Davidovi, conseillère d'animation sportive à la DDCSPP. Bonsoir Maïté. Bonsoir Lou. Alors, si je vous ai au téléphone avec moi ce soir, c'est pour quelque chose de bien précis, hein, pour un dispositif qui s'appelle le dispositif Sésame. Et avant de représenter le dispositif Sésame, vous pouvez peut-être rappeler aux auditeurs ce qu'est la DDCSPP. Oui, bien sûr. Alors, la DDCSPP, c'est la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. En fait, c'est un service de l'État qui regroupe plusieurs services de l'État qui étaient avant séparés. Donc on y retrouve la jeunesse et sport, la jeunesse et les sports, donc c'est mon secteur, la politique de la ville, l'enseignement, la DAS, si vous voulez, les affaires sociales et sanitaires, les services vétérinaires, les services des fraudes. Voilà. Donc on est un service qui regroupe plusieurs services de l'État et on dépend de la préfecture. Et la raison pour laquelle je vous ai au téléphone avec moi, c'est pour le dispositif Sésame. Mais qu'est-ce donc ? Alors oui, donc Sésame, c'est un dispositif qui dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports et qui a pour objectif de permettre à des jeunes ayant entre 16 et 25 ans d'intégrer les métiers du sport ou de l'animation. En fait, ce qui se passe, c'est que pour travailler comme éducateur sportif ou comme animateur jeunesse, on est dans ce qu'on appelle des professions réglementées, c'est-à-dire qu'il faut répondre à certaines conditions. Et dans ces conditions, il y a en particulier la possession de diplômes qui permettent d'exercer. Et ce sont des diplômes auxquels on n'accède pas dans la scolarité classique. Donc le ministère de la Jeunesse et des Sports, voyant que c'était difficile pour les jeunes d'accéder à ces diplômes, a mis en place le dispositif Sésame, qui permet donc à des jeunes, je répète, de 16 à 25 ans, donc jusqu'à leur anniversaire des 26, d'intégrer un accompagnement en fait pour un parcours de formation. D'ailleurs, ça veut dire quoi exactement le sigle Sésame ? Je l'ai oublié, mais en gros, c'était l'idée d'un Sésame pour les métiers du sport et de l'animation. Et donc, vous avez dit donc c'est pour passer des qualifications comme le BAFA, le BPJEPS ? Alors, le BAFA, ce n'est pas une qualification professionnelle, donc ça ne fait pas partie des objectifs. Oui. Par contre, effectivement, les qualifications qui peuvent être visées vont dépendre du projet professionnel du jeune. C'est-à-dire que le jeune qui va être recruté dans Sésame, qui va entrer dans le dispositif, ce sera à chaque fois un jeune qui a vraiment un projet professionnel dans les métiers du sport ou dans les métiers de l'animation jeunesse. Hein. Quelqu'un qui a déjà son projet professionnel en mécanique ou dans la banque, par exemple, il ne va pas intégrer Sésame. C'est vraiment quelqu'un qui se destine à ces métiers-là. Et donc, à partir de là, les formations proposées vont dépendre de son projet. Par exemple, quelqu'un qui veut être maître nageur ne va pas passer la même formation que quelqu'un qui veut s'occuper de jeunes enfants dans les colonies, par exemple. En effet. Donc là, ça va être très varié. On a des diplômes de niveau CAP-BEP, qui sont des CQP, des certificats de qualification professionnelle. C'est ce qui se passe généralement dans un premier temps, pour conforter le choix d'orientation. Donc là, cette année, par exemple, on a une dizaine de jeunes qui sont sur un CQP d'animateur de loisirs sportifs, pour devenir animateur sportif. Et on a 6 jeunes qui sont sur un CQP d'animateur périscolaire. Donc là, plutôt pour travailler dans les colonies, dans les centres aérés, ou dans les périscolaires, dans les écoles, par exemple. Donc sur le temps cantine, ou le temps en soirée, ou la garderie le matin. Et donc, vous avez dit que ça concerne les jeunes de 16 à 25 ans, mais est-ce que ça concerne tous les jeunes du département ? Alors, pas tout à fait tous les jeunes. Ça concerne les jeunes qui sont résidents en quartier prioritaire politique de la ville ou en zone rurale à revitaliser. Ils couvrent quand même une partie du territoire, alors pas l'ensemble du territoire, mais une partie du territoire importante. Ce qu'on peut conseiller aux jeunes qui entendraient cette information et qui se diraient « moi, ça m'intéresse, je veux aller dans ces métiers-là, je ne sais pas par quel bout m'y prendre », c'est de se renseigner auprès de leur mission locale. C'est-à-dire que toutes les missions locales sont au courant de ce dispositif et donc peuvent m'envoyer leur candidature. Donc je recevrai des candidatures jusqu'au 30 avril et ensuite nous ferons des entretiens individuels avec les jeunes pour voir ceux qui sont motivés et qui intégreront le dispositif. Donc, on peut également avoir des associations qui nous adressent des jeunes, c'est-à-dire des associations de jeunesse ou des associations sportives qui se disent « on a tel jeune, il voudrait faire ça, et bien ils en parlent avec le jeune et ils nous adressent la candidature du jeune. Et à partir de là, après, comment ça se passe? Enfin, on peut l'intégrer comme ça, le dispositif? Donc, on l'intègre suite à un entretien dans lequel on valide le projet professionnel. Et le dispositif, il se passe en plusieurs étapes. On a ce qu'on appelle une période préparatoire. Donc, ça va être une préformation, si vous voulez, qui va permettre aux jeunes de vraiment bien définir la formation à laquelle ils destinent, un BPJET, un CQP, etc. Ensuite, on a une période d'immersion dans laquelle il va bénévolement aller dans une structure pour vérifier que le métier lui plaît. Et ensuite, le jeune doit passer des tests d'entrée pour intégrer les formations. Sachant que CESAM, c'est un coup de pouce à l'entrée en formation. En fonction des formations, ça prend tout ou partie des coûts de formation. Par exemple, pour un BPJEP, où les coûts de formation sont très importants, le CESAM ne prendra pas l'entièreté des coûts de formation. Mais accompagnera, et donc à ce moment-là, on aidera le jeune à trouver d'autres financeurs potentiels. Donc c'est vraiment un accompagnement dans... individualisé, c'est-à-dire que là, sur les 89 jeunes qui sont entrés depuis 3 ans dans CESAM, on a vraiment des parcours complètement différents, avec des jeunes qui ont suivi des formations différentes et des statuts différents, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont déjà rentrés dans l'emploi, mais qu'on continue à accompagner pour stabiliser leur connaissance et augmenter leurs chances d'être insérés à long terme dans les métiers du sport ou de l'animation. Oui, parce qu'en effet, j'imagine que le but final, c'est surtout de permettre à ces jeunes de quartiers politiques ou de zones rurales à revitaliser, de trouver un emploi et de s'insérer de manière durable. C'est ça, exactement. Donc, les employeurs potentiels sont bien sûr les associations sportives ou de jeunesse et les collectivités. Et en fait, quels avantages ça a de passer par le dispositif CESAM pour ceux qui nous écoutent? Alors, pour ceux qui nous écoutent, l'avantage, il est énorme, puisque CESAM va non seulement les accompagner, donc ils vont avoir un conseil individualisé, ils vont avoir un accompagnement tout au long de la formation et une préformation, puisque pour rentrer dans ces formations, il y a des tests d'entrée. Donc nous, on prépare les jeunes aux tests d'entrée pour augmenter leurs chances de les réussir. Et pour certains d'entre eux... une aide à la prise en charge des coûts de formation. Et là, vraiment au cas par cas, suivant leur statut, suivant la formation choisie. Et pour ceux qui veulent plus d'infos, en savoir un petit peu plus ou savoir à qui s'adresser? Alors, donc, il faut me contacter à la DDCSPT de Bourges. Alors, le mieux, c'est de le faire par mail parce que je suis souvent sur le terrain. Donc, c'est maïté.davidovi. @vauge.gouv.fr, peut-être vous pouvez mettre les coordonnées sur le site internet. Ce sera fait. Voilà, ou alors la ligne, c'est 03 29 68 48 48 pour la ligne générale de la direction départementale, et ensuite un collègue ou moi-même répondra pour donner les informations nécessaires. Et j'imagine que le relais peut aussi être pris par la mission locale. Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, le premier conseil à donner, c'est d'aller voir votre mission locale. Que toutes les missions locales sont informées et ne pas hésiter à leur dire que vous êtes intéressé par ces apps. En effet, donc ça c'est pour les jeunes qui nous écoutent et qui sont peut-être concernés. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et j'espère que les jeunes auront eu l'occasion d'entendre l'information et pourront venir dans le dispositif CESAM et accéder au métier de la jeunesse ou au métier du sport. Merci et merci à vous Maïté Davidovi, et puis je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Do it. Try it. Do it. Try it. Yeah. Événement pour ce week-end, hein, pour ce samedi 14 avril à la salle polyvalente de Saulxures sur Moselotte aura lieu le tremplin organisé par l'association Airplay. Et à ce propos, je suis avec Moustapha de Airplay. Bonsoir Mousse. Bonjour, bonsoir. Ah oui, c'est vrai, bonjour ou bonsoir, hein, c'est préenregistré. Mais dans tous les cas, oui, bonjour et bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Mousse, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est le tremplin ? Alors le tremplin, il est organisé donc par l'association Airplay et la ville de Saulxures, sachant qu'il y a beaucoup de groupes locaux dans la région. Et donc on a donc reçu 50 candidatures pour pouvoir jouer donc en avant-première d'Afa Blondie, d'Anakil et Nathalie Rice, tous les artistes au Festilac donc cet été. Et donc pour les départager, on a créé ce tremplin avec jury. Et dont le premier se déroulera donc demain à partir de 20h à la salle polyvalente de Saulxures. Parce qu'il va y en avoir plusieurs ? Voilà, donc ce sera sur 3 soirées. Donc il y en aura une prochaine lors du week-end de la Pentecôte au mois de mai. Il y aura 2 soirées. Et là donc on va en garder, donc on a 12 candidatures. Oui. Et on va en garder 6. Voilà. Pour le festival. Oui, et ces six vont passer pendant le festival avec les autres grands, Alpha Blondie d'Anakil, je crois, si je ne me trompe pas. Alpha Blondie d'Anakil, Nathalie Rice, Wonderground, et il y en a d'autres qui arrivent. Et globalement, est-ce qu'il y a un style de musique qui sera à l'honneur pour ce tremplin ? Reggae et musique du monde, métissée, voilà. Et tu peux rappeler aux auditeurs où, quand, combien ça coûte le tremplin ? Alors c'est gratuit, tous les tremplins sont gratuits. Donc demain, c'est à la salle polyvalente de Saulxures à partir de 20h. Entrée gratuite pour toutes les familles. Donc voilà, si vous voulez venir découvrir un petit peu de musique en famille, c'est à la sortie du week-end quoi. Oui, c'est l'occasion de passer des belles soirées, vu que je précise, enfin, ou je rappelle que tu en organises 3, des soirées, en effet, pour choisir quels artistes vont passer au Festilac de Saulxures qui aura lieu, je crois, le week-end du 24-25 août, c'est ça ? Voilà, c'est bien ça, sur 2 jours, et donc voilà, donc il y a un beau démarrage là, donc c'est super pour nous. Et pendant cette soirée du tremplin qui aura lieu ce week-end du 14 avril, je rappelle, qui va passer ? Alors, il y aura RMK, un artiste donc du syndicat, pas loin, donc, dans les Vosges. Il y aura Maury qui vient de Nancy. Un groupe qui s'appelle Indica qui vient de Strasbourg. Et deux têtes, Mauvaise Graine qui vient d'Épinal. Et ces groupes-là viennent pour un petit peu candidater, pour faire un petit peu, pour mettre un peu l'ambiance à Saulxures, mais pour candidater pour le Festilac. Voilà. Comment est-ce qu'ils seront choisis ? selon des critères, voilà, que le jury a établi secrètement. Donc, voilà, et donc ils seront établis par 2-3 jurys qui seront donc qui seront sur le public incognito. Oui. Voilà, et comme ça, ben après, ben, ils auront donc les résultats lundi. Et en parlant d'artistes, hein, tu as dit qu'entre autres, il y a RMK qui est, il me semble, un artiste de ton association, voilà, qui est, il me semble, à côté de toi, qui peut peut-être nous parler. Oui. Voilà, donc c'est un artiste que je ne jugerai pas demain, sachant que je travaille avec lui. Oui. Mais sinon, voilà, je vous le passe, il est avec moi. Hein. RMK, voilà. Merci Mousse. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir RMK. Alors, toi, tu es artiste et tu vas passer au tremplin pour savoir si tu peux passer au Festilac. Dis-moi, tu fais quoi comme musique ? Alors, je fais du reggae, un peu dancehall, il y a un peu aussi de la trap, reggae roots, reggae love, reggae hip-hop. Et puis j'aurai une petite surprise aussi pour demain. Et garde ça secrètement. Eh ben, on a hâte d'en savoir plus, mais ça fait combien de temps que tu fais de la musique ? Alors moi j'ai commencé à l'âge de 13 ans où je rappais pas très bien, j'étais pas dans les temps, comme au tout début. Et j'ai grandi avec tout le temps la musique. Et... À 18 ans, j'ai toujours voulu faire un projet et tout ça, rechercher du monde et tout ça, mais c'est pas facile la musique. Et puis ben, un jour, je suis tombé sur Mustapha. Et puis voilà, je travaille avec eux depuis maintenant un an et demi pour un CD, 5 titres, un EP. Oui. Qui sortira bientôt, prochainement. Voilà. Et dis-moi, RMK, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est tout simplement mon prénom et mon nom. Je m'appelle Rémi Combe. Et après, bon, j'ai plusieurs blases. On me connaît aussi sous le nom de Rémi MC. Oui. Donc, voilà. Après, je voulais rester simple, alors voilà. Tout simplement. Et dis-moi, donc, voilà. ça fait longtemps que tu te prépares pour le tremplin ? Oui, ça fait, on travaille toutes les semaines, ça fait ouais, un bon petit mois qu'on travaille là-dessus. On va être au top, du top. Ben, on espère pour toi que tu seras au top. On espère te voir même au Festilac, mais je pense pour ceux que ça intéresse, on te verra déjà demain soir, donc le 14 avril à la salle polyvalente de Saulsure à l'occasion du tremplin. Où tu vas chanter à peu près combien de temps ? Une trentaine de minutes, un peu plus. Oui. Donc une petite trentaine. Donc mais mon EP en intégralité pour ceux qui voudront découvrir. Puis voilà, s'il y en a qui veulent me suivre sur RMK Musique, la page Facebook. Puis voilà. Ben voilà. C'est super RMK, on te remercie, on te souhaite beaucoup de courage pour cette soirée. Merci à vous, oui. Venez tout le monde, ceux oui. qui écoutent. en effet, venez, vu que je le rappelle, l'entrée est entièrement gratuite. Merci RMK et merci Mousse pour ces informations. Et on espère que des auditeurs passeront vous faire un coucou samedi. D'accord, avec grand plaisir. Allez, Lou, merci hein, pour tout. Et à bientôt, les auditeurs et les auditrices. Oui. Peace. Peace. Positive vibration. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem, some people not alone. Put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ce dimanche 16 mai aura lieu à 16h à la Maison Mosaïque de Saint-Dié un spectacle de la discipline japonaise Kamishibai intitulé « La réalité de l'évacuation ». Et j'ai avec moi Kurumi Shugita de l'association Nos Voisins Lointains 311 qui est venue nous en parler aujourd'hui. Bonjour Kurumi. Bonjour. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer à nos auditeurs ce qu'est le Kamishibai ? Oui, Kamishibai, c'est un petit théâtre ambulant où le conteur raconte l'histoire et au fur et à mesure, on fait passer les dessins. Et donc, c'est une technique qui a été employée depuis 1940-50. Et on a repris cette technique pour raconter des vécus des victimes de l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi. En effet, vu que c'est la thématique du spectacle, hein, il va s'intituler « La réalité de l'évacuation ». Concrètement, ça va parler de quelle évacuation ? Alors, en fait, il s'agit d'une vraie histoire. Dans l'EHPAD, donc établissement pour les personnes âgées dépendantes, qui se situait très près de la centrale nucléaire. Et cet établissement a failli être abandonné. Ils n'ont eu aucune information, ils sont restés jusqu'au 15, l'accident était, le début était le 11 mars, donc ils ont pu être évacués seulement le 15 mars. Et pendant 4 jours, ils étaient sans électricité, sans nourriture, sans médicaments. Donc voilà, comme vous l'avez dit, hein, c'est sur une histoire vraie, sur un EHPAD aux abords de Fukushima, pas longtemps après la catastrophe qui a eu lieu, je le rappelle, le 11 mars 2011. Et ces personnes âgées sont restées 4 jours, un petit peu coupées du monde, hein, ces personnes âgées, donc des personnes vulnérables. Vous avez dit que c'est une histoire réelle. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont vécu, justement? Oui, en fait. Héroïne, c'est une infirmière de l'établissement et c'est elle qui raconte l'histoire. Et elle est venue ici en France l'année dernière pour lire son propre Kamishibai. Donc je l'ai rencontrée. Oui, vous l'avez rencontrée et c'est elle qui va faire partie du spectacle qui aura lieu ce dimanche à Saint-Dié-des-Vosges. Non, non, malheureusement, elle est venue en France l'année dernière, mais pas cette année. Donc, ça serait moi-même qui lirais cette histoire. D'accord. Et à ce propos, hein, il y aura, comme je l'ai dit en première partie, le spectacle Kamishibai intitulé « La réalité de l'évacuation ». Et ensuite, il y aura la projection d'un film intitulé « Menen », qui est, selon mes sources, l'histoire des pompiers de Nami qui sont intervenus à la centrale nucléaire. Suivi d'un débat, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce film? Oui, alors en fait, ce n'est pas les pompiers qui se sont intervenus dans la centrale nucléaire, mais c'était des pompiers donc volontaires qui avaient commencé à faire le secours des personnes emportées par un tsunami. Et à cause de l'ordre de l'évacuation suite à l'accident de centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, ces pompiers ont dû abandonner leur mission de secours. Donc ça raconte tout le processus et aussi ça raconte leur remords, monen ça veut dire remords, leur sentiment de culpabilité, de ne pas avoir pu secourir aux personnes qui les attendaient sous les combres. Donc s'il n'y avait pas eu l'accident de la centrale nucléaire, ils auraient pu sauver beaucoup plus de vies que dans la réalité. En effet, et juste après cette projection, il y aura un débat. Est-ce que ce débat va avoir une certaine ligne directrice? Alors, je pense que ça serait d'abord mise à jour, hein, parce que ces pièces, soit le film, soit Kamishibai, racontent l'événement tout de suite après l'accident de Fukushima Daiichi. Et maintenant, ça y a 7 ans se sont écoulés. Donc maintenant, je vais d'abord faire les mises à jour, hein, ce qui se passe actuellement à Fukushima et avec des victimes de l'accident. Et ensuite, selon des questions, je peux répondre sur la situation des victimes dans le cadre de la politique de retour, parce que maintenant, dans beaucoup de zones qui étaient évacuées, l'ordre d'évacuation a été levé, donc la population est encouragée de retourner. J'imagine le choix peut-être de l'art Kamishibai pour transmettre ces témoignages, c'est pas un choix anodin. Pas du tout. En fait, le créateur de Kamishibai est de Hiroshima. Donc Hiroshima, connu malheureusement par la bombe atomique, il est de la deuxième génération de Hibakusha, c'est-à-dire irradié de la bombe atomique. Et il a commencé à créer le Kamishibai sur des vécus de victimes de la bombe atomique parce qu'il a constaté qu'il est terriblement difficile pour des victimes de raconter leur vécu, même 70 ans après. Donc, lorsque l'accident de Fukushima est survenu, il s'est rendu presque tout de suite dans le département de Fukushima pour rencontrer des victimes, pour collecter leur vécu, et en leur disant que voilà, j'ai créé des pièces de Camille Sibahi sur la base de votre vécu. Si vous avez envie de le lire, vous le pouvez. Si vous n'êtes pas prêt de lire, vous le mettez à côté et vous le lisez quand vous serez prête, même 50 ans après. Et c'est comme ça qu'il a créé presque aux centaines de pièces sur les victimes de catastrophes de 11 mars, hein, et en partie, y compris des victimes de l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Donc c'est pas du tout anodin, c'est vraiment pour aider aux victimes de raconter leur vécu. Et oui, ce que vous avez dit, ça m'a marqué quand même, vu que le créateur des Camille Sibahi a vécu Hiroshima, une catastrophe nucléaire, et c'est encore une fois, pour parler d'une catastrophe nucléaire, qu'on utilise ce même art, le Camille Sibahi, et encore qui vient du même pays. Et à propos de cela, mis à part le débat, est-ce qu'il y aura peut-être la possibilité de rencontrer ou d'échanger avec des personnes qui ont vu de près ou de loin les méfaits du nucléaire au Japon ? Alors, notre association essaie de pas faire venir parce que nous n'avons pas cet moyen financier, mais lorsqu'il y a d'occasion, on essaie d'inviter des victimes, enfin de ces personnes-là, pour faire un tour, une tournée en France. Et depuis 3 ans, on réussit quand même à faire venir des gens chaque printemps. Donc peut-être pour l'année prochaine, ça va se répéter, mais sinon, on essaye de faire des échanges par Internet, on traduit leurs commentaires dans Facebook, dans Twitter, des choses comme ça, qui sont malheureusement en japonais, donc on essaie de traduire en français, et pour que nos amis français puissent lire leurs témoignages. Voilà, ça c'est pour les témoignages. Et tant que j'y pense, le spectacle est organisé en lien avec au moins 2 associations, il me semble, hein, l'association Vosges Alternatives au Nucléaire, dirigée dont Pierre Feutet est représentant, qu'on a déjà vu le 8 mars, et l'association Nos Voisins Lointains 311, dont vous faites partie, Kurumi. J'imagine que c'est vraiment c'est important pour vous de militer contre le nucléaire dans le reste du monde. Bien sûr, et aussi pour proclamer le droit des hommes, parce que actuellement ce qui se passe au Japon, c'est vraiment la violation des droits de l'homme, de vivre dans l'environnement sain, exemple de la radioactivité. Et ici en France, la même chose. Pour se produire. Donc défendre ce droit pour les Japonais, c'est aussi pour se préparer pour nous ici en France. Et j'imagine aussi que ce spectacle permettra de sensibiliser aussi le public vosgien à l'importance peut-être de passer à d'autres énergies que le nucléaire. Bien sûr, voilà, donc presque tout le monde est d'accord que même de point de vue purement financier, l'énergie nucléaire n'est plus rentable, n'est plus concurrentielle vis-à-vis des autres énergies renouvelables. Et en plus, ce n'est pas écologiquement « friendly » en anglais. Donc, c'est tout à fait lié, le sortie du nucléaire est tout à fait lié avec la transition énergétique. Donc c'était Kurumi Shugita pour le spectacle La réalité de l'évacuation fait en Camille Sibahi qui aura lieu le dimanche 15 avril. Le dimanche 15 avril à 16h, voilà, pas que je me mélange les pinceaux, à la Maison Mosaïque à Saint-Dié-des-Vosges. Merci beaucoup Kurumi pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt, j'espère, Kurumi. Au revoir. Au revoir. Après quelques recherches, il s'avère que pour ceux qui veulent trouver un événement qui parle du nucléaire plus près, le samedi 14 avril à 20h30, au Gailluron, il y aura une même soirée. Il y aura le spectacle Kamishibai dont je viens de parler avec Kurumi Shugita. Donc cet événement, ce spectacle, la réalité de l'évacuation aura lieu et il y aura apparemment un deuxième spectacle Kamishibai et une discussion débat sur la situation à Bure. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, rendez-vous samedi à 20h30 au café Gailluron. Say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog. Se quitte, je fais encore le programme de la soirée. Donc de 21h à minuit, on retrouve François pour son émission Mosaïque. De minuit à 1h, c'est la rediffusion de La Bulle de Lia qui a reçu ce midi un chanteur. Je ne vous en dis pas plus. Et la rediffusion de mon émission, c'est demain matin de 7h à 8h. On se retrouvera lundi 6h, 7h comme d'habitude. Pour parler d'épicerie de proximité avec Le Petit Bichon qui a une autre petite épicerie de proximité dans une autre commune. En attendant, j'espère que cette émission vous a plu, que vous allez passer une très très belle soirée. Bon week-end et belle soirée à tous.